Puis la mère Barbeau, voyant et avisant le seul de ses baissons qui lui resta, ne put s'empêcher de se dire que c'était celui qu'elle eût vu partir avec le plus de peine. Il est bien vrai qu'il était le plus sensible des deux, soit qu'il eût le tempérament moins fort, soit que Dieu, dans sa loi de nature, ait écrit que de deux personnes qui s'aiment, soit d'amour, soit d'amitié, il y en a toujours une qui doit donner son cœur plus que l'autre. Le père Barbeau avait un brin de préférence pour Landry, parce qu'il faisait cas du travail et du courage plus que des caresses et des attentions. Mais la mère avait ce brin de préférence pour le plus gracieux et le plus câlin, qui était Sylvinet. Mon Landry est bien un véritable garçon. Ça ne demande qu'à vivre, à remuer, à travailler, à changer de place. Mais celui-ci a le cœur d'une fille. C'est si tendre et si doux qu'on ne peut pas s'empêcher d'aimer ça comme ses yeux. Ainsi devisa en elle-même la mère Barbeau, tout en se retournant dans son lit, où elle ne se rendormit point, tandis que le père Barbeau amenait Landry. Le père Caillot, voyant que des deux Bessons, on lui amenait le plus fort et le plus diligent, fut tout aise de le recevoir. Il savait bien que cela n'avait pas dû se décider sans chagrin. Et comme c'était un brave homme et un bon voisin, fort ami du père Barbeau, il fit de son mieux pour flatter et encourager le jeune gars. Il le mena ensuite avec lui pour lier les bœufs, et lui fit connaître la manière dont il s'y prenait. Aussitôt que l'enfant vit les grands bœufs du père Caillot, qui étaient les mieux tenus, les mieux nourris et les plus forts de race de tout le pays, il se sentit chatouillé dans son orgueil d'avoir de si beaux animaux au bout de son aiguillon. Et puis, il était content de montrer qu'il n'était ni maladroit ni lâche et qu'il n'avait rien de nouveau à lui apprendre. Quand le moment fut venu de partir pour les champs, tous les enfants du père Caillot, garçons et filles et grands et petits, vinrent embrasser le Besson. Et la plus jeune des filles lui attacha une branchée de fleurs avec des rubans à son chapeau, parce que c'était son premier jour de service et comme un jour de fête pour la famille qu'il recevait. Là-dessus, Landry s'en alla au labourage, où fit bonne contenance et bon office tout le jour, et d'où il revint, ayant grand appétit, car c'était la première fois qu'il travaillait aussi rude, et un peu de fatigue est un souverain remède contre le chagrin. Mais ce fut plus malaisé à passer pour le pauvre Sylvinet à la Bessonnière, car il faut vous dire que la maison et la propriété du père Barbeau, située au bourg de la Cosse, avaient pris ce nom-là depuis la naissance des deux enfants, et à cause que, peu de temps après, une servante de la maison avait mis au monde une paire de Bessonnes qui n'avaient point vécu. Or donc, il y avait grande tristesse ce jour-là à la Bessonnière du père Barbeau. Sitôt que Sylvinet fut éveillé et qu'il ne vit point son frère à son côté, il se douta de la vérité. Mais il ne pouvait croire que Landry pût être parti comme cela sans lui dire adieu. Il était fâché contre lui, au milieu de sa peine. « Qu'est-ce que je lui ai donc fait ? » dit-il à sa mère. « Et en quoi ai-je pu le mécontenter ? Tout ce qu'il m'a conseillé de faire, je m'y suis toujours rendu. » « Vous lui avez donc fait son paquet hier soir sans rien me dire, dit ma mère, et vous saviez donc qu'il voulait s'en aller sans me dire adieu. »« J'ai fait la volonté de ton père, » répondit la mère Barbeau. Et elle dit tout ce qu'elle put imaginer pour le consoler. Il ne voulait n'entendre à rien, et ce ne fut que quand il vit qu'elle pleurait ainsi qu'il se mit à l'embrasser, à lui demander pardon d'avoir augmenté sa peine et à lui promettre de rester avec elle pour la dédommager. Mais, aussitôt qu'elle l'eut quitté pour vaquer à la basse-cour et la lessive, il se prit de courir du côté de la priche sans même songer où il allait, mais se laissant emporter par son instinct comme un pigeon qui court après sa pigeonne sans s'embarrasser du chemin. Il aurait été jusqu'à la priche s'il n'avait rencontré son père qui en revenait et qui le prit par la main pour le ramener en lui disant « Nous irons ce soir, mais il ne faut pas retarder ton frère pendant qu'il travaille. Ça ne contenterait pas son maître. D'ailleurs, la femme de chez nous est dans la peine et je compte que c'est toi qui la consoleras. »